Moment cruel. Mademoiselle de La Mole, ravie, ne songeait qu'au bonheur d'avoir été sur le point d'être tuée. Elle allait jusqu'à se dire « Il est digne d'être mon maître ». Dans cet instant, s'il se fût présenté quelque moyen honnête de renouer, elle l'eût saisi avec plaisir. Julien, enfermé à double tour dans sa chambre, était en proie au plus violent désespoir. Après dîner, Mademoiselle de La Mole, loin de fuir Julien, lui parla et l'engagea en quelque sorte à la suivre au jardin. Il obéit. Peu à peu, Mathilde se mit à lui parler avec confidence intime de l'état de son cœur. Elle en vint à lui raconter les mouvements d'enthousiasme passager qu'elle avait éprouvés pour M. de Croisenois, pour M. de Caylus. « Quoi ? Pour M. de Caylus aussi ?» s'écria Julien. Et toute la mère jalousie d'un amant délaissé éclatait dans ce mot. Mathilde en jugea ainsi et n'en fut point offensée. Elle continua à torturer Julien. Il avait la douleur de remarquer qu'en parlant, elle faisait des découvertes dans son propre cœur. Mathilde lui semblait adorable. Toute parole est faible pour exprimer l'excès de son admiration. En se promenant à côté d'elle, il regardait à la dérobée ses mains, ses bras, son port de reine. L'intérieur de sa poitrine eût été inondé de plomb fondu qu'il eût moins souffert. Comment, arrivé à cet excès de malheur, le pauvre garçon eût-il pu deviner que c'était parce qu'elle parlait à lui, que Mademoiselle de La Mole trouvait tant de plaisir à repenser aux velléités d'amour qu'elle avait éprouvées jadis pour M. de Caylus ou M. de Lutz? Ce genre d'intimité cruelle dura 8 grands jours. Les derniers jours, elle semblait contempler Julien avec une sorte de joie maligne. Ses douleurs étaient une vive jouissance pour elle. « Et vous ne m'aimez plus, moi qui vous adore !» lui dit un jour Julien, éperdu d'amour et de malheur. Cette sottise était à peu près la plus grande qu'il put commettre. Son mot, si franc mais si stupide, vint tout changer en un instant. Mathilde, sûre d'être aimée, le méprisa parfaitement. La sensation de Mathilde alla jusqu'au dégoût. Rien ne saurait exprimer l'excès du mépris qu'elle éprouvait en le rencontrant sous ses yeux. Julien n'avait rien compris à tout ce qui s'était passé depuis 8 jours dans le cœur de Mathilde, mais il discerna le mépris. Julien n'avait pas l'idée d'une telle intensité de malheur. Il était sur le point de jeter des cris. Cette âme, si ferme, était enfin bouleversée de fond en comble. Heureusement pour lui, le marquis le plaisanta à dîner sur son prochain voyage. Mathilde comprit qu'il pouvait être fort long. Compagne d'un homme tel que Julien, auquel ne manque que de la fortune que j'ai, j'exciterai continuellement l'attention. Je ne passerai point inaperçu dans la vie. Je serai sûr de jouer un rôle, et un grand rôle, car l'homme que j'ai choisi a du caractère et une ambition sans bornes. Que lui manque-t-il ? Des amis ? De l'argent ? Je lui en donne. Mais sa pensée traitait un peu Julien en être inférieur, dont on se fait aimer quand on veut.